Araps Michel Thomas, méthode audio allemand perfectionnement. Copyright 2009. Contenu Thomas Key Master Languages LLC, tout droit réservé. Enregistrement Chambers Harrop Publishers. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Comme vous vouliez poursuivre l'apprentissage commencé avec la méthode pour débutants, j'ai décidé de vous proposer une suite à ce cours. Cette suite vous permettra de consolider vos connaissances de l'ensemble de la structure de la langue allemande, ce à quoi vous parviendrez sans difficulté. Encore une fois, je voudrais vous conseiller, comme précédemment, d'être détendu et de ne jamais essayer de mémoriser, car votre apprentissage relève de ma responsabilité en tant que professeur, non de la vôtre. Donc, n'essayez pas de mémoriser quoi que ce soit, sans quoi vous risqueriez de vous crisper, et cela nuirait à votre apprentissage. Il s'agit à présent de poursuivre l'apprentissage des structures de la langue, en employant tous les temps des verbes. Autrement dit, nous allons nous occuper de grammaire, bien que ce soit un mot que je préfère éviter, et nous allons le faire facilement et rapidement. Es freut mich sehr, wieder mit Ihnen hier zu sein und weiterzumachen. Weiter, ça veut dire plus loin, et weiterzumachen, ici, c'est continuer. Voyons par exemple. Rester. Comment dit-on rester en allemand? Bleiben. Bleiben. Je reste se dit? Ich bleibe. Ich bleibe. Oui. Comment dit-on il reste? Er bleibt. Er bleibt. Et il ne reste pas? Er bleibt nicht. Nicht. Er bleibt nicht. Donc, il ne reste pas, er bleibt nicht. Comment diriez-vous, nous restons ici? Wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Oui. Et il ou elle au pluriel reste ici? Sie bleiben hier. Sie bleiben hier. Et vous restez, vous que je vous vois rester? Sie bleiben. Sie bleiben. Bien. Donc, il ou elle au pluriel reste et vous, vous que je vous vois rester, se traduisent de la même manière. Mais le Sie du vous, de vouvoiement, prend un S majuscule. Comment diriez-vous, vous ne restez pas ici? Sie bleiben nicht hier. Bien. Sie bleiben nicht hier. Et combien de temps restez-vous ici? Wie lang? Wie lange? Wie lange bleiben Sie hier? Bien. Wie lange bleiben Sie hier? Combien de temps restez-vous ici? Comment diriez-vous il restera ici? Il va rester ici. Er wird. Er wird. Wird, ça s'écrit W-I-R-D. Donc, er wird. Le D final se prononce comme un T, tout comme pour Abend, soir. Donc, ici on a er wird. Er wird. Oui. Donc, il restera ici. Er wird. Bleiben hier. Hier. Hier bleiben. Er wird hier bleiben. Bien. Er wird hier bleiben. Et comment diriez-vous elle ne restera pas ici. Elle ne va pas rester ici. Sie wird. Wird. Sie wird nicht hier bleiben. Ici, c'est. Hier. Hier, c'est ça. Sie wird nicht hier bleiben. Et maintenant, comment demanderez-vous à quelqu'un que vous vous voyez combien de temps resterez-vous ici? Wie lange bleiben Sie hier? Wie lange bleiben Sie hier? Signifie combien de temps restez-vous ici? Comment diriez-vous combien de temps resterez-vous ici? Wie lange resterez-vous? Allez-vous rester? Werden Sie hier bleiben? Bien. Wie lange werden Sie hier bleiben? Et comment direz-vous, Dites-moi s'il vous plaît combien de temps vous resterez ici. Sagen Sie mir bitte. Bien. Sagen Sie mir bitte. Combien de temps vous resterez ici? Wie lange werden Sie? Attention, après wie lange, quand wie lange est placé au milieu d'une phrase, le verbe se place comme dans les phrases introduites par weil. Oui. Wie lange Sie bleiben? Oh non. Sie hier bleiben werden. Bien. Wie lange Sie hier bleiben werden? Sagen Sie mir bitte, wie lange Sie hier bleiben werden. Comment diriez-vous, je voudrais savoir combien de temps vous pouvez rester ici? Ich möchte tun veut dire j'aimerais faire. Oh. J'aimerais savoir, ça sera. Ich möchte wissen. Vous y êtes presque, redites-le. Ich möchte, oui. Ich möchte savoir. Ich möchte wissen. Bien. Ich möchte wissen. Combien de temps vous pouvez rester ici? Wie lange Sie können? Encore une fois, après wie lange, placé au milieu de la phrase, le verbe est rejeté en fin de phrase, comme dans les phrases introduites par weil. Wie lange Sie hier bleiben können. Können. K-O Umlaut, 2-N-E-N, c'est können. Können. Ich möchte wissen, wie lange Sie hier bleiben können.